ça. On est venu pour ça. Il me reste pourtant, The B, j'ai pas prévu ça. Il a pris 2 ans, il a fait le con, il a fait du sale. Ok. Là je suis à 200, boum boum, elle a mouillé de la chatte. J'ai pris 11 500, sur moi, je veux les changer en batte. Il me faut une loco récente, on va aller en boîte. Faut prendre des cycles, des singes, tout par la droite. Tu es un alcoolo, poto, un vrai toxico. Il a pris un cool, poto, il parle au coquelicot. Ça gâte, ça fume, ça boit, ça se fait niquer deux fois. Ouais, c'est la zone. On est fait pour ça. Ouais, c'est la zone. On est fait pour ça. Je suis sous vodka ce soir, elle me récupère. Gadi, je suis dans la zone. On est fait pour ça. Je suis dans la zone. On est fait pour ça. On est fait pour ça. Boum boum. On est fait pour ça. On est fait pour ça. On est fait pour ça. On est fait pour ça. Ding ding. On est fait pour ça. On est fait pour ça. On est fait pour ça. Je faisais l'andouille, petit pélican, fais-moi le boussa. Tu fais des poussettes, mais Alice, moi je te fais boussa. Je calcule pas tout ça, on n'est pas des millions, on connaît déjà tout ça. Okay. Moi j'en ai la